Exprimer son désaccord, sa colère. Exercice 3. D'abord, arrêtez de me parler sur ce ton. Ensuite, vous avez tort sur tous les points. Ce n'est pas possible d'être aussi peu organisé. Enfin, c'est quand même moi qui me suis occupée de chercher toutes les informations. Alors, je sais ce que je dis quand j'insiste pour faire des réservations.